Je crois que les pères fondateurs de l'OUA n'avaient pas d'autre solution. Le 25 mai 1963, quand ils sont réunis à Addis Abeba, n'oubliez pas que l'Algérie venait d'émerger d'une guerre de 7 ans avec l'ancien colonisateur, c'est-à-dire la France, de telle sorte qu'il fallait revoir tous ces problèmes vis-à-vis, n'est-ce pas, des pays colonisateurs. Kwame Nkrumah lui-même, lorsque il a proposé les États-Unis d'Afrique, n'a pas eu beaucoup d'écho parmi les membres fondateurs de l'OUA, qui étaient 36. Ils ont tous préféré nouer des relations entre États, mais ne pas couper complètement les liens avec les anciennes puissances occidentales. Ce qui démontre que leur souci à cette époque-là, c'était de préserver une espèce de coopération avec la métropole, pour ne pas tomber entre les mains de deux géants, c'est-à-dire de l'Amérique ou de l'Union soviétique, ce qui entraînerait un conflit entre les États africains eux-mêmes, s'ils sont de telles tendances, c'est-à-dire de tendances soviétiques ou de tendances occidentales. Edem Kodjo, homme politique, économiste togolais, mais surtout ancien secrétaire général de l'OUA, interviewé en 1985 lors de la parution de son livre « Et demain, l'Afrique ».